Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Madame Bolduc, véritable légende de notre chanson nationale. Mais j'ai tous les disques de la Bolduc. Tous les disques de la Bolduc. Ah oui, Nana Catherine, nanana, les maringouins. C'est une bébête quand ça vous pique, il faut se gratter. Nanana, et mon mari à mes côtés. Mais je tout ça. Ah, je trouve ça infiniment sympathique. Le chanteur et artiste de variété français Marcel Amont, qui parle de son amour de la Bolduc en 1968 en y allant presque d'une petite turlute, cette turlute si caractéristique des chansons de la Bolduc. L'histoire de la Bolduc, Mary Travers de son vrai nom, c'est une manière de conte de fées. La Bolduc va quitter sa Gaspésie natale pour se retrouver domestique à Montréal avant de devenir une immense vedette de la chanson. Mais la Bolduc, c'est aussi une pionnière de notre chanson. Elle portera la parole des sans-voix avec ses chansons du quotidien aux accents parfois pamphlétaires. Du gouvernement, on nous promet plus peu que de paix. Avec ça, on avance à bien. Nos députés sont assemblés afin de pouvoir discuter. Alors, au lieu de nous aider, ils ne font que se chamoyer. Mais dans tout ça, les plus affreux, ce sont les chefs qui malheureux. Pas d'argent pour les faire soigner, au fait, ni par les enterrer. Tare d'un tapé, little little little little little. La Bolduc qui chante « Sans travail ».« Sans travail », c'est la chanson préférée de notre invité, l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin, grand connaisseur de la Bolduc. Pourquoi « Sans travail », Steve Normandin? Parce qu'à mon avis, elle résume tellement la situation dans laquelle Madame Bolduc se trouve, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que femme d'ouvrier et mère de famille, et qui regarde autour d'elle et qui se rend compte que les usines ferment, que le gouvernement n'a plus le contrôle, et il fait miroiter aux gens que ça va aller de mieux en mieux. Elle a marqué le coup, mais presque 25, voire même 30 ans avant l'heure des chansons contestataires qu'on va avoir au Québec dans les années 60. Elle, c'était une visionnaire. Témoin de son époque et qui témoigne aussi de son propre vécu. Elle a connu elle-même des difficultés économiques, la Bolduc. Énorme. D'abord, elle est née d'une famille très, très pauvre en Gaspésie. Quand elle se retrouve en 1907, bonne au Carré Saint-Louis avec sa demi-sœur, elle travaille chez les médecins, elle envoie l'argent pour faire vivre sa famille. Quand elle se marie en 1914 avec M. Édouard Bolduc, qui allait lui donner son nom, c'est toujours les petits métiers, le travail en usine, la plomberie, puis pour arrondir les fins de mois, elle va s'acheter une machine à coudre. Donc, ça va être toujours des petits boulots et il faut additionner à ça les problèmes de santé. On n'a pas toujours les moyens de payer le médecin. Alors, elle va connaître vraiment des moments très difficiles. La famille va même aller aux États-Unis chercher du travail à un moment donné. Oui, ça dans le Massachusetts, absolument. Ils reviennent une année plus tard. Plus pauvres que jamais. Ouais. Et ça va prendre un accident de parcours. En 1928, M. Bolduc doit se faire arracher des dents, mais il trouve un dentiste qui se prétend dentiste et qui n'en est pas un. Et Mme Bolduc retrouve son mari pratiquement agonisant et donc étant plus capable de travailler. Et ce qui va l'amener par le hasard, il y a des gens qui entendent qu'une femme joue de la musique très bien, qu'elle peut remplacer un musicien à pied levé. Et c'est comme ça, on a la possibilité de l'engager pour un spectacle. Et à partir de ce moment-là, la vie de Mary Travers va complètement changer. Ça va devenir un conte de fées. Là. Elle passe graduellement, mais de domestique, je le disais il y a un instant, à grande, grande vedette de la chanson. Oui. Ça se passe comment? Qui la découvre? Dans quelles circonstances? Bien, il y a plein de facteurs, mais les principaux acteurs dans cette histoire-là, il y a un gigueur qui s'appelle Gustave Doiron, qui est d'origine gaspésienne. Il y a Conrad Gauthier qui organisait au Monument national à Montréal, bien sûr, les fameuses soirées du bon vieux temps où les gens de la campagne qui viennent travailler en ville se retrouvent. Question d'entendre et de voir les artistes de la scène trad à Montréal. C'est, un peu comme aujourd'hui, on a dans les bars des jams de musique. Ben, c'est un peu mieux organisé, c'est sous une forme de pièce de théâtre, mais ce monsieur Gauthier-là organise les spectacles. Et il y a Roméo Baudry, très important. Le promoteur des disques Star, oui. C'est lui qui va découvrir Ovila Légaré, Eugène Déniaud et qui va être à l'amorce des grands artistes de la fin des années 20 et début des années 30 au Québec. Il va former une écurie, les diriger, leur montrer comment se servir du studio et c'est lui qui va permettre à Mme Bolduc de gravir les échelons en tant qu'artiste de la chanson. Et de faire énormément d'enregistrements. On va y revenir. Sa première chanson, ce sera La cuisinière. Oui. Écoutons sa fille, Fernande Bolduc, qui nous raconte, elle raconte ça en 1984, le souvenir qu'elle garde de la naissance de cette toute première chanson de Mme Bolduc. Moi, je me rappelle de sa première chanson de La cuisinière. Ah oui. Elle était en train de faire ses tartes. On demeurait à 17-18 du Frêne à l'époque. Puis je me rappelle que je suis arrivée de l'école avec Denise. Et puis maman était en train de turluter tout en faisant ses pâtisseries. Elle avait sa belle robe de maison tout en pesée, puis son beau grand tablier qui allait presque à terre avec à peu près une affaire de 12 à 15 pouces de dentelle dans le bas. Les robes étaient longues dans ce temps-là. Dans la maison, elle portait des robes longues puis des bottines avec des boutons. Ça, je me rappelle de ça. Des boutons avec des bouts de crochet avec le bout en arc de pile. Et puis, elle dit, écoutez ça, venez vous asseoir les petites filles. Puis elle se met à turluter ça, puis elle se met à chanter ça. Nous autres, on était tout enthousiasmés. Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Pas bien loin de les environs, on verra porter des garçons, des grands et des petits, des gros et des courts, des noirs et des blancs. Hourra pour la cuisinière. C'est assez extraordinaire, Steve Normandin, la première chanson de la Bolduc qui prend naissance, qui prend forme, les deux mains dans la pâte à tarte. Oui, ben en fait, quand elle est engagée par M. Baudry, le directeur de la maison de disques Star, elle est engagée comme musicienne et elle chante très peu. Donc, les premiers enregistrements, il y a une chanson qui s'appelle « Il y a longtemps que je couche par terre ». Elle joue de l'harmonica pour des reels, des valses. Elle a un contrat où elle doit enregistrer 478 tours. Elle est vraiment au pied du mur parce que les disques n'ont pas marché. C'est pas que c'est mal fait, mais c'est dans la même production que ce qu'il y a d'habitude. Et à un moment donné, il lui passe une idée, un après-midi, pendant justement qu'elle est en train de faire le repas pour la famille. Elle prend une page de calendrier, les mains pleines de farine, et commence à écrire les mots « Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière ». Elle prend exemple sur sa propre vie, et quand elle se pointe en studio, le directeur de la compagnie lui dit « Désolé, Mme Bolduc, mais là, c'est vraiment la dernière des dernières chances. Vous faites votre chanson, puis on regarde ce que ça donne. » Bien, on regarde ce que ça donne. Une bonne vente de 78 tours en 1929 pour un artiste francophone, c'était 6 000 à 8 000 disques pour l'année. Ouais. Elle va vendre de ce seul titre, La cuisinière, plus de 15 000 78 tours en trois semaines. Ouais. Mais ça montre, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, au-delà de l'anecdote, c'est que ça marche, mais ça marche parce que ça parle au monde. Il y a une partie de ce qu'elle laisse, la Bolduc, comme héritage, c'est ça, c'est la fine observatrice. Tout devient une chanson. La chanson du quotidien aussi. Oui, c'est que comparativement à la plupart des artistes de cette époque-là qui vont écrire des chansons dans des situations qui sont bien loin d'eux ou qui vont reprendre des thèmes du folklore qui nous vient de France, elle arrive avec deux choses fondamentales pour les Québécois que nous sommes, c'est-à-dire le métissage. On s'est approprié beaucoup la musique irlandaise et écossaise. Elle est elle-même irlandaise et cette musique-là qu'elle va intégrer aux chansons, plus les histoires qui parlent du quotidien dans la langue du peuple, bien avant les pièces de Michel Tremblay. Souvent, on dit que la chanson, quand elle n'était pas folklorique, elle était un peu ampoulée. Chez Mme Bolduc, il n'y a rien de tout ça qui apparaît. C'est presque du polaroïde de la chanson. Ça se passe dans la rue, dans l'est de Montréal, chez les ouvriers, et ça raconte, avec un bon gros bon sang, toute la joie de vivre et aussi le désespoir de tous ces travailleurs. Et ça marche. Là, c'est parti. Les chiffres que vous disiez, elle va faire des tournées. C'est parti. Bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est que quand elle commence, elle ne se rend pas compte de sa renommée. C'est les disques qui vont faire le travail. Et c'est la première artiste au Québec, femme d'autant plus, à connaître cette espèce de renommée par cette galette qui se promène bien avant elle. Mais ça va vraiment lui ouvrir toutes les portes. Elle va se promener, évidemment, le Québec au grand complet, l'Ontario, et elle va aller jusque dans les colonies de Canadiens français qui se sont, comme elle, à une certaine époque, exilés en Nouvelle-Angleterre. Avec plein de monde, des gens connus à l'époque. Ah, mais toute la fine fleur du vaudeville. Olivier Guimond, père et fils, Paul Desmarteaux, Manda Parent, Juliette Pétry, les sœurs de Varennes, tous ceux qui faisaient de la musique et du comique. C'était la première fois aussi qu'une artiste attirait le monde autour de sa propre renommée. Habituellement, il y avait une troupe avec plein de gens très connus, surtout en théâtre. Mais dans la chanson, c'est vraiment... Madame Bolduc a été pionnière à tous les niveaux et son seul nom attirait les foules. Quelqu'un qui sera là très, très tôt, il est de ceux qui la repèrent. Oui. Avila Légaré, l'acteur et chanteur, il l'a bien connue, donc. Oui, ils ont chanté en duo assez souvent aussi. Elle a été sa musicienne de studio pour plusieurs enregistrements. Il parle des raisons qui, selon lui, expliquent le succès de la Bolduc avec Christiane Delisle en 1971. Puis il commence évidemment avec cette fameuse façon si particulière, la turlute, de chanter de la Bolduc. Il y a des vieilles qui turlutaient. Puis les gens dansaient là-dessus. Alors, ils se mettaient à deux ou trois vieilles. Puis il y avait des vieux aussi. Alors, elle a introduit dans ses premières chansons le turlutage. Elle chantait un couplet, et puis elle finissait... Alors ça, ça a pris. Oui. Parce que ça rappelait des souvenirs à tous les gens. Mais quand elle a commencé, Mme Bolduc, moi, je ne l'ai pas entendue. Mais depuis quelques années, on vient de la ressortir tout d'un coup. Ben oui, c'est parce qu'elle a été snobée pendant un certain temps. Il y avait des gens autour, des intellectuels qui... Moi, je vais vous dire, franchement, là, mon idée à moi, c'est comme quand on fait de la comédie. C'en est trop français. Bien oui, n'est-ce pas? C'est pas comique. Mais non, c'est pas drôle. Vous avez parfaitement raison. Faut entrer dans notre soi. Quand on a appris quelque chose sur les genoux de notre mère, oui. Il faut le sortir. C'est intéressant, ça, Steve Normandin. Et l'image est belle. C'est beau, hein? Elle va se servir de tout ça, du fait qu'elle est... Irlandaise par son père, acadienne par sa mère, et se servir de cette façon d'exprimer toujours sous le couvert humoristique. C'est ce qu'on retient aujourd'hui davantage des chansons de Mme Bolduc. Et quand il parlait du snobisme, à l'époque, elle a même utilisé le disque comme arme de défense, de persuasion massive, si je peux me permettre, parce qu'elle critiquait les gens qui la critiquaient souvent. La chanson du bavard, où elle s'en prend aux radios qui la snobaient et qui refusaient de l'inviter sur ses ondes. Les gens qui, par exemple, trouvaient qu'elle chantait peut-être avec un langage un peu trop populaire. Vulgaire, hein, elle a été même un peu victime de censure à certaines époques. Ça déplaît, là, cette manière de chanter, de parler. Je vais m'avancer sur une hypothèse. Il y a quelque chose qui déplaît davantage. C'est une femme qui parle. Et on est en 1930, monsieur rapporte l'argent à la maison, monsieur a le droit de vote, monsieur prend les décisions, madame reste à s'occuper des petits et être au fourneau. Oui. Or, Madame Bolduc devient marchande publique, elle devient une femme d'affaires, elle organise des tournées, elle écrit des chansons, elle critique le gouvernement, elle dit aux gens qui viennent, par exemple, des campagnes pour habiter la ville, restez en campagne pour faire... vivre votre famille, montrez-leur les métiers de la terre pour qu'ils puissent avoir de quoi se mettre sous la dent. Et c'est elle, dans son propre ménage, qui devient le pourvoyeur. D'ailleurs, ça va causer des problèmes dans le ménage. Le mari n'est pas de bonne humeur. Ben, il n'est pas de bonne humeur. Puis en plus, dans une chanson, elle l'apostrophe en disant « mon vieux est jaloux ». Je pense que M. Bolduc était peut-être beaucoup plus réservé qu'elle. Elle n'était pas modeste. Elle faisait « OK, j'ai du talent, je vais le montrer, j'ai du... » Alors, ça a évidemment créé des conflits. Puis le fait qu'elle soit si souvent partie pas être à côté de ses enfants, ben à l'époque, c'était pas très bien vu. Oui. Donc, le mari en a, j'ai l'impression, un peu souffert. Et quand elle est décédée, il s'est empressé de dire aux enfants, s'il vous plaît, à partir de maintenant, on passe à autre chose. Le turlutage. Oui. Dans quelle mesure tout le monde en parle? Dans un instant, on va entendre Charles Trenet. On entendait un autre Français, Marcel Amont, en parler au début de l'émission. Oui. Ça a marqué. Dans quelle mesure c'est important dans son œuvre? Ben, en fait, c'est que puisqu'elle est irlandaise, le mouth singing est quelque chose que les Irlandais utilisaient beaucoup. Tout à l'heure, Avila Légaré disait que les gens l'utilisaient pour faire danser. C'est pas faux. Les Irlandais, quand ils n'avaient pas d'instrument pour pouvoir rythmer, au lieu de faire la la la la la la la, ils avaient besoin de donner un peu les mêmes indications qu'un coup d'archet. Alors, en faisant... ça permettait de pouvoir donner les articulations, en quelque sorte. Et elle a utilisé ça très rapidement, mais... mine de rien, ça a pris quand même 2 ou 3 disques de composition avant que cette fameuse turlute ne sorte. Ça va prendre une chanson comme La Servante et l'autre côté, Regardez donc mouvement, pour qu'on entende pour la première fois Madame Bolduc utiliser cette façon de faire les refrains. La cuisinière et Johnny Monfarlot, il n'y avait rien de tout ça. Mais c'est tellement efficace, hein? Le fameux ver d'oreille, la turlute. Vous en faisiez un petit bout, puis vous tapiez du pied instantanément. Oui. Ça, c'est très enlevant. Et exactement. En plus, ça souligne souvent le côté comique de certaines situations dans des chansons. Charles Trenet, donc, de passage au Québec, qui parle de la Bolduc et de cette turlute de la Bolduc. L'an dernier, je fis un voyage au Canada. Et là, je fis la connaissance d'une dame qui est une grande vedette canadienne. C'est même une grosse vedette. Elle pèse à peu près 150 kilos, elle est charmante et elle s'appelle Madame Bolduc. Madame Bolduc, quel joli nom elle a. Et Madame Bolduc a beaucoup de succès dans son pays. Elle en a même énormément, car elle a inventé une façon particulière de chanter qu'elle appelle le turlutage. Madame Bolduc turlute. Et son turlutage consiste, entre chaque refrain de ses chansons, consiste à rouler sa langue dans sa bouche en la faisant claquer contre son palais, ce qui produit des sons assez amusants, assez inattendus même, qui font des variations toujours très heureuses autour du thème des chansons qu'elle interprète. Alors quand j'ai entendu Madame Bolduc qui turlutait, ça m'a donné envie de turluter moi aussi. Et j'ai composé une chanson avec turlutage, la voici, Dans les rues de Québec. Elle est dédiée à Madame Bolduc, au turlutage, et à ces jolies vieilles rues de Québec qui ressemblent à nos jolies vieilles rues de France. Dans les rues de Québec. C'est gentil comme parole. C'est la mère Bolduc qui m'a appris à turluter comme ça. Au loin de... Je ne suis pas spécialiste comme vous, Steve Normanda, mais pas mal quand même comme turlutage pour Charles Trenet. Il se débrouille très bien. Il se débrouille pas mal. Et c'est un bon menteur parce que la chanson a été écrite en 1948 et Madame Bolduc est décédée en 1941. Ouais. Alors la rencontre eût été un peu improbable. Oui, exactement. la Bolduc, donc, qui va accrocher Trenet, la Bolduc qui va en inspirer aussi tellement d'autres plus tard au Québec, entre autres. Ben, dans l'histoire de la chanson québécoise, quand on voulait faire rire les premiers auteurs... se prenait au plaisir de chanter et d'écrire des chansons à la façon de Madame Bolduc. Raymond Lévesque va écrire La Famille. Clémence Desrochers va écrire Les Enfants de ma sœur. Il y a plein de gens qui vont se dire, si on veut être drôle et vraiment toucher les gens, il faut aller dans une façon d'écrire des chansons qui correspond. Elle a marqué au fer rouge, Madame Bolduc, en ce sens, parce que avant qu'on ait des chansons humoristiques qui soient d'un autre ordre, la formule piano, turlute, petit refrain comique, tout ça a été mis d'avant grâce à elle, quoi. L'aspect qu'on n'a pas encore abordé, puis on ne peut pas consacrer une émission à la Bolduc sans le faire, vous l'avez un petit peu évoqué, son aspect plus pamphlétaire, plus politique. Oui. Ça, c'est très, très présent. Écoutez cet extrait savoureux. L'ex-premier ministre Pierre Trudeau, qui avait bien, lui, cerné cette dimension politique de la Bolduc, qui l'utilise. C'est un contexte très particulier, grande soirée. Brian Mulroney, qui vient de prendre le pouvoir en 1984, premier ministre conservateur, est là, président d'honneur de cette soirée. Trudeau y est aussi et espiègle Trudeau, donc, se paie gentiment la tête de Mulroney par les mots, avec les mots de la Bolduc. Moi, j'ai pensé à la Bolduc de mon enfance. Et dans les années 30, elle chantait une chanson qui allait à peu près comme ceci. On se plaint à Montréal, après tout, on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange notre pain sec. Du travail, il va en avoir pour tout le monde cet hiver, mais il faut laisser le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur vide et je continue à faire lutter, d'attendre, à faire les temps, d'être une dame, d'être une dame, d'être une dame, d'être une dame, d'être une dame, d'être une dame, d'être une dame. Steve Normandin, c'est très, très important, cette dimension politique chez la Bolduc. Non seulement c'est important, mais elle en parlait non pas comme une politicienne et une activiste, mais comme une citoyenne. Ouais. Ça, c'est important d'en faire la distinction. Dans « Ça va venir, découragez-vous pas », quand elle dit « Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement », c'est qu'elle votait bleu, elle votait Bennett, conservateur. Ouais. Très important. Elle a toujours fait en sorte de dire « Voici, mes idées sont claires ». Mais ça va si loin que ça pour elle. On parle de politique partisane quand elle écrit ses chansons. Je pense pas. Je crois qu'elle est... Puis le reste de la chanson en fait foi. Il faut vraiment porter de l'espoir vers les gens. On a d'un côté « ça va venir, découragez-vous pas », on va avoir du travail, les gouvernements s'en prennent. Et l'extrême qu'on a entendu en début d'émission avec « sans travail », de dire « écoutez, les gouvernements sont en train de nous en passer des petites vites, ils vont manger des gros repas pendant ce temps-là, nous, les travailleurs, on travaille comme des fous pour essayer de se trouver justement du boulot et on n'y arrive pas ». Elle était consciente aussi qu'il y avait des exploitants et des exploités. Et d'un côté, gros bon sens. Là, le gros bon sens. Le sens commun. Oui. Elle va aller même peut-être très loin à une certaine époque. Elle va écrire une chanson qui s'appelle « L'ouvrage aux Canadiens ». C'était l'esprit du Canada français de l'époque, jusqu'à une certaine forme de racisme en disant « N'engagez pas des étrangers, faites en sorte que les Canadiens... qu'on engage ceux de la place. » Ça va très loin. Moi, je me souviens d'une chanson, je ne sais plus laquelle, vous allez le savoir, mais où elle dit quelque chose comme « Un bon Canadien vaut 10 travailleurs étrangers. » Vaut 3 immigrés, c'est l'ouvrage aux Canadiens. Et puis ça donne qu'ils n'ont pas peur de travailler. Au pic, pas à l'appel, ça ne les dérange pas. Ouais. Pour peupler le Canada, je vous dis qu'ils sont un peu là, quoi. Ouais. Elle va mourir jeune, à quoi, 46 ans? Oui, des suites... En fait, à la suite d'un accident d'automobile, on se rend compte que ses plaies ne guérissent pas et on décèle un cancer. Et malgré la maladie, elle va continuer les tournées jusqu'à épuisement. Le dernier concert qu'elle donne le 19 décembre 1940, c'est à Saint-Henri. Et elle est prise de malaise et c'est elle-même qui téléphone l'ambulance pour qu'on vienne la chercher. Une force de la nature, c'est extraordinaire, quoi. Et chose étrange, ça passe, cette mort-là. C'est une super grande vedette, on l'a dit il y a quelques minutes. Oui. Ça passe presque inaperçu. Presque, non. Totalement inaperçu. Le seul qui va avoir la bonté d'écrire un vrai papier à sa mémoire, c'est Henri Letondal, journaliste à Radio Monde, mais également homme de radio, homme de théâtre. Il va vraiment poser les balises de sa légende en expliquant c'est une femme qui est venue du peuple et qui a chanté pour le peuple. Personne d'autre. Il y a eu un entrefilet dans la presse, Pourquoi? Aucune photo. Est-ce que c'est parce que c'était une femme? Est-ce parce qu'elle parlait, elle disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, qu'elle s'est servie des disques comme d'une façon d'expliquer sa condition? Ça peut être tout ça mis en même temps. Moi, je pense que surtout, si ça avait été un homme, le chemin aurait été plus facile pour elle. Le fait que ce soit une femme, on est en pleine guerre. Elle est aussi un peu oubliée par rapport à tout le milieu rural où elle est allée beaucoup plus souvent. Ses disques continuent de circuler, mais disons que l'étincelle qui était là au tout début des années 30 se raréfie peu à peu. On est ailleurs, déjà, musicalement. Le cinéma parlant amène la musique américaine, le jazz et la chanson française beaucoup. Alors, Mme Bolduc perd un peu de l'élan. Je crois que c'est en partie à cause de ça qu'on a gardé le silence autour de sa mort. Steve Normandin, ça a été un immense plaisir. Auteur, compositeur, interprète. Merci beaucoup, Steve. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.